Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Une douzaine d'anneaux armés de Snyder, de pistolets, d'arçons, de tomahawks et de massues, descendirent à la clairière de Nalassou, en avançant avec précaution malgré les épaisses sandales à cause des épines que le vieil aveugle d'ailleurs ne plantait pas. J'irai assis entre les genoux de Nalassou. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, lors du tilleul, lit des extraits de Jerry dans l'île, de Jack London. Il écouta plus attentivement pendant une longue minute durant lesquelles il ne perçut aucun son, et surtout en même temps pour enseigner Jerry en lui recommandant de parler bas. Et Jerry, avec des et toutes les formes de langage auxquelles il avait été initié, lui apprit tout bas que des hommes approchaient beaucoup d'hommes, et plus que ça. Préface. Il est fort regrettable, pour certains auteurs de romans d'aventure, que dans l'esprit du public, la fiction soit trop souvent confondue avec l'inexactitude. Il y a quelques années, je publiais un roman du Pacifique méridional. L'action se passait aux îles Salomon. Elle fut appréciée des critiques littéraires comme un remarquable effort d'imagination. Pour ce qui est de la réalité, disait-il, c'est tout autre chose. Chacun sait que les cannibales aux cheveux huileux n'existent plus sur la face de la terre, pas plus qu'ils ne circulent sans vêtements, ni ne coupent les têtes de leurs semblables ou des hommes blancs. Et cependant, c'est à Honolulu, aux îles Hawaï, que j'écris ces lignes. Hier encore, sur la plage de Waikiki, je m'entretenais avec un étranger. Il mentionna le nom d'un ami commun, le capitaine Kellar. Lorsque je fis naufrage aux îles Salomon avec le négrier Minota, je fus sauvé par le capitaine Kellar, patron du négrier Eugénie. L'étranger me raconta que les nègres avaient pris la tête du capitaine. Il le savait de source sûre, ayant représenté la mère de Kellar pour le règlement des affaires du défunt. D'autres amis avec lesquels j'ai dîné autrefois au cours de mon séjour aux îles Salomon ont depuis lors disparu. Ils ont disparu de la même façon. Je naviguais à bord du caïque Minota, transportant des nègres à Malaita, et j'avais emmené ma femme avec moi. Les portes de notre minuscule cabine portaient encore la trace de coups de hache, rappelant un événement qui s'était passé quelques mois auparavant. Il s'agissait de l'assassinat du capitaine Mackenzie, alors patron du Minota. Je crois avoir suffisamment prouvé que les aventures de mon héros canin sont de vraies aventures dans un véritable monde de cannibales. Songez que lors de ce voyage du Minota, nous trouvâmes à bord, pour contenir les nègres, une ravissante chienne terrier irlandaise, à la robe lisse, comme Jerry, et qui répondait au nom de Peggy. Sans Peggy, ce livre aussi n'aurait jamais été écrit. C'était la favorite du patron du Minota, et Madame London et moi, nous nous y attachâmes à tel point qu'après le naufrage du Minota, ma femme n'eut pas honte de voler Peggy au capitaine. En ce qui me concerne, il me faut avouer que je n'eus point de remords à devenir complice du larcin. Nous aimions tant Peggy, cher petit chien, enseveli dans la mer, au large de la côte orientale d'Australie. Lors du tilleul, vous avez choisi de lire Jerry dans l'île, qui est un roman de Jack London, un roman pour les enfants. Et alors, on a eu une première surprise en comparant nos deux éditions. Moi, j'ai l'édition que j'ai lue quand j'étais petite, quoi. C'est l'édition que mes parents ont retrouvée dans leur grenier, c'est donc la Bibliothèque Verte. Et vous, vous avez une autre édition, à ce que je vois. Une édition plus ancienne et qui n'est pas expurgée. Et donc, d'ailleurs, il est précisé sur le livre de la Bibliothèque Verte que le texte est condensé pour la Bibliothèque Verte. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que beaucoup de passages avaient été supprimés. En particulier les passages où on parle de femmes, on parle de mort, de métaphysique, en fait, les passages où les chefs noirs s'interrogent sur la mort et sur l'au-delà et tout ça est supprimé. Et puis tous les passages, effectivement, qui parlent des femmes et où on veut acheter les femmes contre des pots de tabac, tout ça, c'est supprimé. Mais je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Parce que ce qui me frappe aussi quand je relis ce livre, c'est la façon dont on parle des Noirs dans le livre. Et c'est vrai que tout ça, bon, ce qui m'avait... En fait, j'avais pas trop de souvenirs du livre, mais quand j'ai commencé à le relire, je m'en suis souvenue. Et ce qui m'avait le plus frappé, c'était le point de vue du chien. C'est-à-dire pas tellement les passages, justement, où on parle des Noirs, et où là où c'est plus London qui parle, c'est plus l'auteur, quoi. Mais ce qui m'avait frappé, moi, c'était la façon dont le chien voyait les humains et les comportements humains, et la façon dont le chien savait sentir les sentiments qu'éprouvaient les hommes, soit pour lui, soit d'ailleurs entre eux, quoi. C'est ça qui m'avait vraiment frappé, c'était la sensibilité du chien. Mmh. Plus finalement que les propos... Oui, ou alors ça a marqué mon inconscient, j'espère que je m'en suis guérie, parce que c'est vrai que c'est assez dur, les propos, c'est complètement raciste, quoi. Enfin, ceci dit, c'est aussi de la littérature, quoi. C'est un roman, donc contrairement à ce que dit London dans sa préface, quand j'ai sûrement pas dû lire la préface quand j'étais petite, et moi j'ai pris ça comme une fiction, et ça faisait partie des... Ça faisait sûrement partie aussi des jeux que je faisais avec mes cousins et mes copains à la campagne, quoi. Quand j'allais chez mon grand-père, où on construisait des cabanes et on s'inventait des noms de tribus. Et... Donc peut-être qu'à l'époque, je ne savais pas très bien ce que c'était qu'un noir, quoi. Je ne sais pas quel passage on va lire. Lesquels vous avez envie de... Eh bien, les têtes. Les têtes, oui. Hein ? Oui. Ce serait bien d'avoir celui-là. C'est celui-là ? Ouais, je crois. Ouais. Bastien avait un âge excessivement avancé. Bastien avait atteint un âge excessivement avancé. Il avait beaucoup réfléchi, un peu philosophé, et était arrivé à cette conclusion que tout en ayant fourni une carrière étendue bien au-delà des limites de la vie humaine, la durée de sa vie était néanmoins bien courte. Et il était curieux de connaître le sens et le but de la vie. Il aimait le monde et la vie qui étaient siens. Il était satisfait de dominer à la fois les prêtres et le peuple. Il ne craignait point de mourir, mais se demandait s'il revivrait de nouveau. Méprisant les superstitieuses explications des prêtres de sa tribu comme leur grossière duperie, il se débattait seul dans le chaos d'un problème insoluble. Sa vie avait été si longue et si comblée d'aventures qu'il avait vu s'éteindre tous ses appétits et ses plus ardents désirs. Il avait eu femme et enfants, il avait connu toutes les aspirations de la jeunesse, ses enfants étaient devenus père, puis grand-père, mère, puis grand-mère. Après avoir savouré ses satisfactions et même celles du ventre, il avait été blasé. La nourriture ? À présent, il mangeait à peine, et l'appétit qui le talonnait jadis dans ses jeunes années ne se faisait plus jamais sentir. Il mangeait par nécessité, n'ayant de goût pour rien d'autre que les œufs des mégapodes qui étaient pondus dans un enclos personnel et tabou. C'était là sa dernière jouissance gustative. Pour le reste, il vivait plutôt par la pensée, gouvernant son peuple et cherchant à établir des lois qui lui donneraient plus de force et plus de vitalité. Mais il réalisait clairement la différence entre cette chose abstraite qui est la tribu et cette autre pleinement concrète qui est l'individu. Les hommes passaient, la tribu demeurait. Lui aussi, tôt ou tard, et ce tard n'était pas bien loin, lui aussi passerait. Passerait à quoi ? C'était là l'énigme. Et c'est pourquoi il lui arrivait à l'occasion de renvoyer tout son monde et de demeurer seul dans sa grande maison d'herbage, seul avec son problème insoluble. Il descendait alors des poutres du toit les paquets enveloppés dans des nattes et qui contenaient les têtes conservées des hommes qu'il avait vus jadis en pleine vie et qui, maintenant, avaient passé dans le mystérieux néant de la mort. Il n'avait point collectionné ses têtes en avare, et ce n'est point non plus comme un avare contemplant son trésor qu'il examinait ses têtes, qu'il tenait dans ses deux mains ou posées sur ses genoux. Il voulait savoir. Savoir ce qu'elle devait connaître à présent, que depuis longtemps elles étaient entrées dans ces ténèbres qui entourent la cessation de la vie. Il y avait la tête d'un Japonais, le seul que Bastien eut jamais vu et dont il eut entendu parler. Elle était tombée entre les mains de son père avant sa naissance. On l'avait assez mal préparée et elle était abîmée. Pourtant, il constatait en l'étudiant qu'elle avait dû jadis posséder des lèvres aussi mobiles que les siennes, avec une bouche qui, elle aussi, avait parlé et mangé. Elle avait également deux yeux, un nez, un crâne chevelu et deux oreilles, tout comme lui, et bien certainement elle était complétée autrefois par un corps avec des bras et des jambes possédant des désirs et des appétits. Une autre tête qui l'intriguait beaucoup avait une histoire remontant plus loin que son père et son grand-père et avait appartenu à un Français, mais Bachetine ne le savait pas. Il ignorait qu'elle avait appartenu à l'illustre navigateur Lapérouse qui avait péri avec son équipage et ses deux frégates, l'Astrolabe et la Boussole, sur les côtes inhospitalières des îles Salomon. Une autre tête, car Bachetine était un vrai collectionneur, remontait encore à deux siècles avant Lapérouse, jusqu'à l'Espagnol Alvaro de Mandana. C'était celle d'un armurier de Mandano, tué dans une escarmouche sur la plage par un ancêtre de Bachetine. Une autre tête encore, dont l'histoire demeure vague, avait appartenu à une femme. Quelle était cette femme? D'où venait-elle? Mystère. Mais des boucles d'oreilles d'or et d'émeraude ornaient encore ses oreilles flétries et de longs cheveux blonds dorés pendaient du crâne de celle qui, Bachetine imaginait, avait dû palpiter d'amour dans les bras d'un amant. La plus récente de toutes, celle qui retenait le plus longtemps la pensée du vieillard, c'était la tête de Van Horn. Elle reposait sur ses genoux et il était en train de la contempler quand Jerry, qui avait la liberté de pénétrer dans tout Somo, entra dans la maison de Bachetine. Il renifla et identifia les restes mortels de son maître, hurla d'abord de chagrin, puis se hérissa de colère. Bachetine, tout à sa méditation, interrogeait la tête de Van Horn et ne remarquait rien. Peu de mois auparavant, cette tête, encore pleine de vie et d'intelligence, reposait sur un corps bien campé qui circulait en culotte de toile avec un revolver automatique à la ceinture, ce qui le rendait plus fort que Bachetine. Mais il avait moins d'esprit, puisque lui, Bachetine, avec un vieux pistolet, avait réussi à éteindre son intelligence et qu'il avait su détacher cette tête du tronc de l'homme qui foulait tantôt la terre, tantôt le pont de l'Arangui. Qu'était devenue cette intelligence? Représentait-elle à elle seule l'arrogant et hautain Van Horn et avait-elle disparu comme s'éteint le tison embrasé qui se réduit en une poignée de cendres? Est-ce que Van Horn tout entier avait été réduit comme le tison enflammé? Était-il à jamais tombé dans le néant comme y tombe le crocodile frappé de la lance, le poisson pris à l'hameçon ou au filet, le porc égorgé et toutes les bêtes de la jungle? Le néant de Van Horn était-il semblable à celui de la grosse mouche que la fillette qui lui servait de chasse-mouche atteignait au milieu de son vol et écrasait à terre? Ou comme le néant du moustique qui l'atteignait en quelque sorte par un mouvement réflexe quand il se sentait piqué? Bachetine se disait que le sort de ce blanc, dont il étudiait la tête, était celui qui l'attendait lui-même. Ce qui était arrivé à ce blanc, après la traversée des sombres portes de la mort, lui arriverait aussi. Et il interrogeait son chef, tout comme si ses lèvres à jamais muettes pouvaient lui révéler le grand mystère et lui apprendre le sens de la vie et celui de cette mort qui suit la vie de si près. Le long gémissement que poussa Jerry en voyant et en sentant ce qui restait de son maître tira Bachetine de sa rêverie. Il regarda le robuste chien à la robe dorée et immédiatement lui donna une place dans sa méditation. C'était un être vivant, tout comme un homme. Il était sensible à la faim, à la souffrance, à la colère, à l'amour. Comme un homme, il avait dans les veines un sang que le couteau pouvait faire jaillir et tarir jusqu'à la mort. Comme la race humaine, il aimait ses pareils, se reproduisait et allaitait ses petits. Et il mourrait aussi. Combien de chiens aussi bien que d'hommes n'avait-il point dévoré jadis dans son juvénile appétit, alors qu'il ne connaissait que le mouvement et la force et qu'il entretenait ceci avec les calebasses des festins. Mais Jerry passa de la douleur à la colère. Il se précipita le poil hérissé, la gueule tordue en un rictus de fureur et se jeta non point sur la tête de son maître aimé, mais sur Bachetine qui la tenait sur ses genoux. Comme le loup qui dans la pâture se précipite sur la jument nouvellement délivrée de son poulain, Jerry fonça sur Bachetine et le vieillard qui dans toute sa longue existence n'avait jamais eu peur de la mort, lui qui avait ricané en voyant son doigt emporté par l'éclatement d'un pistolet, eut un sourire de plaisir car il éprouva une joie intellectuelle en même temps que de l'admiration à voir ce chien qui n'avait même pas atteint toute sa taille et qu'il maintenait à distance en le frappant avec un court bâton de bois dur. Chaque fois que Jerry s'est lancé, et malgré son impétuosité, le vieillard l'atteignit avec un coup de son bâton et il riait du courage du jeune chien, s'étonnant de la bêtise qui le portait à s'offrir constamment au coup de son bâton et le poussait simplement par la passion du souvenir d'un mort à braver constamment la souffrance. « Cela aussi, c'est la vie, » songeait Bachti, en écartant adroitement le chien furieux. C'est de la vie jeune et inconsidérée, emportée et impulsive, tout comme celle de l'homme qui courtise la femme au crépuscule ou celle du jouvenceau qui livre à un autre jouvenceau une lutte à mort pour l'assouvissement d'une passion, orgueil blessé ou désir contrecarré. Il se disait que dans ce chien plein de sang, tout comme dans la bête morte de Van Horn ou de tout autre homme, résidait peut-être la clé de l'existence, la solution de l'énigme. Et tout en se défendant des attaques de Jerry, il admirait et enviait tristement cette fougue de la jeunesse contre laquelle il eût volontiers échangé toute la sagesse de son expérience et de ses raisonnements. « Ah, quel chien que ce chien-là ! Quel bon chien !» eût dit Van Horn. Lui, dans son langage, il déclara « Ma parole, ce chien n'a pas peur de moi !» Mais Bachti, se fatiguant le premier, mit fin à cette scène en assénant à Jerry un vigoureux coup derrière l'oreille qu'il étendit sans connaissance. Encore une fois, l'imagination spéculative de Bachti commenta le fait. Qu'était devenue la fougue et la colère du chien? Un seul coup, bien asséné, avait suffi pour les éteindre momentanément. Tout à l'heure, ils se ranimeraient, comme se ranime au souffle du vent le feu qui couve sous la cendre. Mais dans ce laps de temps, pendant que Jerry gisait inanimé, où était sa vie, sa sensibilité, sa volonté? Bachti poussa un soupir lassé et enveloppa les têtes dans les nattes qui les couvraient, à l'exception toutefois de celles de Van Horn. Il les hissa en l'air, où elles furent de nouveau suspendues à l'endroit qui leur était assigné depuis des générations et où, vraisemblablement, elles demeureraient longtemps encore après sa mort. Il plaça sur le sol la tête de Van Horn et sortit doucement pour aller regarder à travers une fente ce qui allait se passer. Jerry commença à s'agiter, puis pendant une minute, il fit des efforts pour se dresser sur ses pattes. Il demeura d'abord faible et étourdi. Bachti, l'œil collé à la fente, vit réapparaître la vie dans le petit corps inerte. Il le vit s'animer, hérisser le poil, retrousser sa lèvre dans un rictus de colère et chercher son ennemi. Puis, au lieu de celui-ci, il aperçut la tête de son maître et il se glissa en rampant jusqu'à elle, la couvrit de caresses, effleurant de sa langue rose les joues durcies, les paupières closes sur des yeux que toute sa tendresse ne parvenait pas à faire ouvrir, les lèvres serrées qui jamais plus n'articuleraient des mots affectueux pour le petit chien. Après cela, Jerry, en proie à une désolation profonde, s'assit en face de la tête de son maître, éleva son museau en l'air et pleura tristement et longtemps. Finalement épuisé, il se glissa hors de la maison et courut vers la demeure de son autre maître, le sorcier. Là, pendant les 24 heures qui suivirent, il eut le sommeil hanté par des cauchemars. En fait, j'aime bien le chien. J'ai pas changé. J'intellectualise les propos racistes de London, mais c'est une aventure merveilleuse. Quoi. Moi, je marche dans ce genre d'aventure. Complètement. C'était surtout les histoires d'animaux qui vous plaisaient? Ben, là, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les noms sont très compliqués, quoi. Et ça, je suis sûre, ça devait me plaire. Honolulu, Hawaï, Waikiki, tout ça, c'est complètement... Là-dessus, on peut faire marcher tout son imaginaire. Donc, il y avait ça. Mais c'est vrai que j'ai lu Croc-Blanc aussi, qui est l'histoire d'un chien. Et c'est vrai que les histoires d'animaux, c'est assez... je veux dire, la parabole est facile, quoi. Je trouve que c'est un bon sujet, moi ça me plaît bien. D'ailleurs, j'ai un chien, là j'ai complètement. J'ai un chien que j'ai récupéré sur un tournage et j'ai complètement identifié le chien. J'ai fait un transfert terrible entre mon chien et Jerry, quoi. Et c'est vrai que les animaux. Enfin, en plus, moi je vis à la campagne, donc je vis entourée d'animaux. Et c'est vrai que c'est des. Quand on prend le temps de les regarder, c'est des êtres assez étranges, quoi. C'est. On ne sait pas, mais ça a des regards, ça a des comportements, et c'est assez étrange, quoi, les animaux. Donc, je dis, quand j'étais petite, chez moi, il n'y avait pas d'animaux. Donc, je ne sais pas. Vous aimiez lire? Vous lisiez beaucoup? J'ai pas le souvenir. Enfin, j'ai pas dû lire beaucoup, mais j'ai vécu les livres comme des aventures très fortes. C'est-à-dire que je lisais aussi beaucoup de romans de KPDP, comme Zévaco. Mais c'était par période, quoi. J'ai eu sûrement un an, j'ai dû lire que des Zévaco. Il y a aussi toute une période où j'ai dû lire tous les livres de chiens et de chats et les Toby chiens, Kiki la doucette de Colette et tout ça. Ça, je m'en souviens très bien. J'ai eu ma période roman policier, mais genre sous roman policier, je me rappelle, c'était Les Barons. Ça, c'était plus tard. Là. C'était plus tard, mais pas tellement plus tard, je crois. Parce que c'était des trucs qu'on achetait à la gare. Et quand j'allais chez ma... Ça faisait juste le voyage pour aller chez mes grands-parents, Les Barons. Et... Non, par rapport... Je me rappelle que par rapport à mes copines, je lisais pas beaucoup, en fait. Je me rappelle parce que j'avais une copine très... qui arrêtait pas, quoi. Je demandais d'ailleurs comment elle faisait. Mais moi, j'étais... C'est-à-dire que j'étais très occupée à jouer, quoi. Dehors, justement, à faire des cabanes, à faire des... Enfin, à m'inventer mes propres aventures, quoi. Et quand vous lisiez dans quelle position ? Je me rappelle plus. Oh, ben je devais lire Choix de soir dans mon lit avant de m'endormir. Mais justement, mes copines, elles lisaient le matin. Et ça m'impressionnait beaucoup parce que moi, c'était vraiment un truc. C'était le. Je sais pas, ça devait être une coutume où on m'avait dit la lecture, ça se fait le soir avant de s'endormir. Mais j'avais des copines qui lisaient le matin, quoi. Ça me sidérait. Moi, le matin, j'avais autre chose à faire, quoi. Bon, puis c'est vrai que c'était les périodes de vacances et que quand j'allais à l'école, je pense que je lisais encore moins, quoi. Son vocabulaire était prodigieux pour un chien. On pourrait presque dire qu'il conversait des heures avec son maître, bien que les sujets dont ils pouvaient causer ensemble fussent très limités. Ils pouvaient se communiquer fort peu du passé et presque rien de l'avenir. Il était impossible à Jerry de parler de Méringe, de Laringie et de l'amour passionné qu'il avait voué à Van Horn ou de ses raisons de haïr Bashti. De même que Nalassou était incapable de l'entretenir de la dette de sang due aux anneaux ou de la perte de ses yeux. Pratiquement toutes leurs conversations se bornaient à l'instant présent, bien qu'ils eussent une faible possibilité de toucher au passé immédiat. Nalassou, par exemple, donnait à Jerry une série d'instructions qui consistait à partir en reconnaissance, aller jusqu'au nid, puis le circonscrire à distance. Se rendre ensuite à la clairière des arbres fruitiers, traverser la jungle jusqu'à la piste principale, suivre cette piste en se dirigeant vers le village jusqu'au grand bananier. Puis de là, s'en retourner par le petit sentier jusqu'à la case de Nalassou. Jerry s'acquittait à la lettre de sa mission et revenait faire son rapport. Il pouvait lui arriver de raconter qu'au nid, il ne se passait rien d'anormal, sinon qu'une buse se trouvait dans les environs. Dans l'autre clairière, 3 cocotiers étaient tombés, car il savait sans se tromper compter jusqu'à 5. Entre l'autre clairière et la piste principale, il avait vu 4 cochons. Le long de la piste étaient passés un chien, 5 ou 6 femmes et 2 enfants, et le long du petit sentier qui menait à la maison, il avait aperçu un cacatoès et 2 jeunes noirs. Par contre, il se trouvait incapable d'expliquer à Nalassou son état d'esprit et les aspirations de son cœur qui l'empêchaient de se sentir parfaitement heureux. Nalassou n'était qu'un dieu nègre et non un dieu blanc. Or, Jerry détestait les nègres, à l'exception de Lamaï et de Nalassou. Il les tolérait et éprouvait même à l'égard de ce dernier une affection placide et douce, mais point d'amour vrai. Ces dieux noirs n'étaient que de second ordre, et il était incapable d'oublier les dieux plus élevés comme Van Horn et M. Hagin, voire Derby et Bob, qui étaient du même type. Ceci, c'était tout autre chose, une élite autrement meilleure que toute cette racaille noire au milieu de laquelle ils vivaient. Les blancs étaient plus hauts, plus puissants. Ils régnaient dans un lieu de délices inaccessible, dont il avait conservé un souvenir vivace après lequel il languissait. Mais hélas, il n'en connaissait point le chemin, et ce monde perdu avait peut-être sombré dans le néant où s'étaient certainement abîmés Van Horn et Laringie. Le vieillard avait beau s'efforcer de gagner le cœur de Jerry, il ne pouvait lutter contre les souvenirs du passé. C'est pourquoi il n'obtint que de la fidélité et un certain attachement. Pour Nalassou, Jerry n'aurait pas lutté jusqu'à la mort avec la même passion que pour son maître Van Horn, mais il l'eût fait cependant avec dévouement. Et le vieillard ne se douta jamais de ce qui manquait au sentiment qu'il avait inspiré à Jerry. Je ne veux rien payer pour une femme, protesta Nalassou. Je ne veux acheter aucune femme. Je ne donnerai pas une carotte de tabac ou une noix de coco écrasée pour la meilleure femme de Saumon. Ne te tourmente pas, dit Bachti avec placidité. Je paierai pour toi le prix d'une et même de deux femmes. Il y a Boubou. Je l'aurai pour une demi-caisse de tabac. Elle est grande, elle a des jambes arrondies, de solides reins et une forte poitrine. Il y a aussi Nena. Son père en demande à bon prix, toute une caisse de tabac. Je te l'achèterai aussi. Ton temps est court, il faut se dépêcher. Je ne veux pas marier, répéta nerveusement l'aveugle. Tu te marieras, j'ai dit. Non, dit Nalassou. C'est non, non, non, non, non. Non, je n'ai rajouté un. Non. Vers la fin du livre, l'île où s'est passé, enfin où a été, entre parenthèses, entre guillemets, prisonnier Jerry, est attaqué par les Blancs. Donc tous les Noirs fuient dans la forêt. Et Jerry se trouve tout seul, perdu, Nalassou est tué. Donc il n'a plus de maître, il est perdu, et, miracle, il sent une odeur de Dieu blanc, et donc suit cette trace, et en plus il y a une nouvelle odeur qu'il ne connaît pas, on découvrira plus tard, c'est l'odeur de poudre de riz. Ça me faisait beaucoup penser à la poudre de riz de ma grand-mère, parce que c'était vraiment une odeur très forte, et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc il suit cette trace de Dieu blanc, et qui évidemment se termine sur la plage, puisque le bateau est déjà reparti, et le courageux Jerry saute à l'eau, suit le bateau, et aboie, il réussit à rattraper le bateau, à se faire remarquer par les Blancs, donc qui sont évidemment complètement un peu gâteux, quoi, devant le chien. C'est vrai que les animaux, ça rend peut-être parfois un peu gaga. Et donc recueille le chien, et bon, quand ils rentrent à leur port d'embarcation, de départ, et on leur dit « Oui, mais je connais bien la famille de Jerry, je connais le chien et tout. » Donc Jerry retrouve son frère. Et après, London dit à la fin du livre qu'ils se retrouveront en Californie pour vivre la fin de leur jour. Donc en fait, c'est tout le parcours de Jerry, quoi, qui a besoin d'un maître et qui a des rapports à chaque fois particuliers avec chacun des maîtres qu'il va rencontrer. Mais c'est un chien courageux, on peut le dire. Voilà l'histoire. Première lecture. Lecture d'enfance. Extrait de Jerry dans l'île de Jack London par Laure du Tilleul. Agnès Warnier, Bruno Roncière, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.